Sainte et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Avec Nicole, qui va se présenter d'ailleurs. Hein. Bonsoir Nicole. Bonsoir Michel, bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc Nicole Cassis. Et je suis assez émue de passer ce petit moment avec vous. Ah, il faut être décontracté, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est la parole est à toi, la parole est à nous. Merci. Voilà pour cette soirée donc, avec Nicole. Alors, d'abord, ton métier. Tu es donc potière, c'est comme ça que l'on dit. Oui. Hein, c'est quand même mot féminin. Voilà, tout à fait. Je suis potière de faïence. Et je me suis établie à La Rosière, dans un tout petit village en Haute-Saône. Ah oui, décris-nous un peu La Rosière, parce que je suis persuadée... Lia, tu connais La Rosière, toi? Alors non, je ne connais pas La Rosière, mais alors, je découvre la Haute-Saône. Alors justement, faire connaissance déjà avec le village de La Rosière pour trouver Nicole. Alors La Rosière, elle se trouve sur les hauts de Rue-sur-Moselle. Et on est à peu près de Remiremont à, je dirais, une vingtaine de minutes. Et c'est un village charmant, vraiment charmant. Les gens y sont très sympathiques. On a été très, très bien accueillis puisqu'on s'y est installé il y a maintenant 3 ans. On est une petite centaine d'habitants. Voilà. Et quand... C'est redéveloppé La Rosière, hein, parce que c'est un village qui se mouvait autrefois. Je ne sais pas du tout, parce qu'en en fait, on ne connaissait pas du tout ce village avant de chercher où s'installer. On ne savait pas du tout... qu'il existait. Voilà. Ouais, tu es originaire d'où ? Alors, je suis originaire de Colmar. D'accord. Voilà. Et la vie a fait que... T'as même pas gardé une pointe d'accent. Non. Enfin, je crois qu'il reviendrait vite. Hein. Oui. Voilà, donc... avant d'être à La Rosière, bon, il y a eu des étapes dans ma vie. Donc, je suis née à Colmar. Et... J'ai été très vite placée à la DAS parce que mes parents n'ont pas pu m'élever. D'accord. Voilà, je pense que c'est bien de le dire aussi parce que ça fait partie de mon histoire. Et j'ai habité jusqu'à l'âge de 18 ans, donc à Tannes, à l'établissement Saint-Joseph. D'accord. Voilà. Et puis, dans la vallée de la Ture. Voilà, tout à fait. Et puis, j'ai aucun regret parce que j'ai fait des très belles rencontres. Et vers l'âge de 8 ans, j'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer une famille d'accueil qui avait un rang social qui m'a permis de connaître les belles choses. Parce que c'est des gens qui aimaient les belles choses et ils m'ont donné certainement le goût de ce qui était beau et... Les activités artistiques. Voilà, général. Aussi. Et puis on a beaucoup fait les brocantes, parce qu'à cette époque-là, ça se faisait beaucoup. Et je pense que c'est un petit peu pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis arrivée à aimer la céramique, puisque ça fait partie des belles choses. J'ai fait connaissance avec le musée de Tannes. Tu le connais ? J'y suis allée 2 fois. Oui, ouais, je l'ai, et j'ai trouvé ça super, super. Ouais. Ouais. Et puis, je crois que il me semble que c'est le seul musée que je suis allée visiter. Ah bon ? Oui, oui, oui. pour en revenir à La Rosière, donc on est sur le plateau des Mille Étangs, oui. Là-haut, hein, oui. C'est un plateau à découvrir. Hein. Je veux un petit coucou en passant à nos amis qui viennent d'aller Hautes-Vosges. Hein, c'est vrai qu'on a tendance à découvrir les crêtes vosgènes, c'est vrai que c'est magnifique, mais il y a quand même des lieux comme La Rosière, par exemple, et le plateau des Mille Étangs, absolument à découvrir. Oui, hein, vraiment. Il y a des balades nocturnes. Il y a des marches aussi qui s'organisent beaucoup. Et à La Rosière, justement, tous les ans, il y a une marche au mois de mai... Bon, voilà, c'est passé pour cette année. Et les gens sont ravis, ravis, ravis, parce que les vues sont imprenables. Alors, quand on connaît le plateau des Mille Étangs, pour le situer, donc ça démarre vers le col des Croix, au-dessus du col des Croix, puis ça se termine, c'est-à-dire au-dessus du Tillot. Ouais, côté Servance. Oui. Et puis ça se termine sur les hauteurs de Remiremont, le Giremont, etc. Quoi. Oui. Il y a beaucoup de communes qui sont concernées, dont La Rosière, bien entendu. Voilà. Alors pourquoi cette installation à La Rosière, Nicole ? Eh bien, on cherchait un endroit calme, mais beau et sauvage. Au départ, on aurait aimé partir du côté de l'Ardèche, parce que moi, j'y suis allée pendant quelques années. Et puis, on s'est établi à La Rosière, parce que l'endroit est vraiment bien. On s'y sent chez nous. Un peu rude l'hiver ? Pas plus que ça, non, ça ne nous fait pas peur. On aimerait même qu'il y ait... Il y a quelle altitude, là-haut ? On est à 600, 600, oui. 600. Au col du Mont-de-Fourche, c'est 600... 40 ou 680, ouais. Je ne sais plus trop. Et puis nous, on est à 600 mètres. Ouais. Non, et puis, moi j'ai... C'est le versant sud quand même du massif. Oui, donc tout à fait. Plus, ouais. Un peu plus ensoleillé, disons. Tout à fait, rude. Tout à fait. Et puis, on apprécie parce qu'il y a vraiment un silence. Il y a un vrai silence en hiver. C'est propice à la création. Aussi. Voilà. Ouais, ouais. Alors, c'est un virage dans ta vie quand même, la poterie, ou tu t'étais initiée à la poterie étant jeune déjà ? Non, pas du tout. J'ai pas du tout été initiée à la poterie. En fait, le vague souvenir que j'ai, c'est que quand j'étais donc dans ma famille d'accueil, on allait des fois visiter des potiers, et je trouvais ça joli. Et quand j'étais toute gamine, on jouait aux billes. Et là, déjà, j'aimais bien les billes en terre, alors qu'il y avait des belles billes en verre. Bien sûr. Voilà, c'était peut-être déjà une première approche à cette époque-là. Et à l'âge de 15 ans, j'avais acheté mon premier pot en terre, dans un Emmaüs. D'accord. Voilà. Et je l'ai toujours, ce pot. Et puis... Tu mettais quoi dedans ? Des fleurs séchées. Les fleurs séchées. Voilà. Et puis, quand je partais en vacances en Ardèche, j'allais aussi rencontrer des potiers. Et quand j'en sortais, j'étais contente. Et en même temps, il y avait comme une espèce de frustration, quelque chose qui me... Dans quel secteur de l'Ardèche ? Du côté Vallon-Pont-d'Arc, les endroits très touristiques. Hein, ah oui. Aubenas aussi, c'était plutôt plus... Oui. Bien sûr. Et des villages magnifiques. Ah oui, superbe. Puis il y a une renaissance un petit peu du tourisme, bien sûr des activités agricoles même, en Ardèche. Oui, oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui. Il y a des sites magnifiques, c'est vrai. Voilà. Et puis, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma vie, dans ce qui était... Les activités qui te plaisaient. Les activités professionnelles, enfin, surtout professionnelles. Qui te permettaient de vivre, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Les activités professionnelles. Donc, j'ai travaillé à 1300 mètres d'altitude en tant qu'ouvrière agricole. Je faisais la transformation laitière. Dans les Vosges, là, par contre. Dans les Vosges, oui, au col... Est-ce que tu es revenu dans les Hauts-de-Vosges par quel biais ? Eh bien, en fait, une fois que j'ai quitté le Drumont, je suis allée à l'école agricole à Mirecourt. D'accord. Et puis là, j'ai rencontré mon compagnon. Et puis, on s'est installé il y a une trentaine d'années du côté de le syndicat, dans un petit village qui s'appelle Julien-Rue, sur les hauts de Julien-Rue. Qui fait partie de la commune du syndicat, voilà, d'ailleurs. Voilà, c'est ça, oui. Et puis... Tout en haut de Julien-Rue, alors ? Oui, sur les hauts de Julien-Rue. Et puis, de là, j'ai eu quelques chèvres, je faisais du fromage de chèvre. J'avais 19 ans à l'époque, c'est loin déjà. D'accord. Oui, c'est loin. Et puis ensuite, on est parti... On peut en vivre de ça. Enfin, à l'époque, c'était déjà difficile, je suppose. Je pense qu'aujourd'hui, oui, on peut en vivre. Moi, à l'époque, je voulais juste mettre en pratique ce que j'avais appris à l'école. Voilà, c'était... Tu faisais les marchés ? Pas du tout, pas du tout. Non, non, non, j'étais à la maison, et puis je m'occupais de mes animaux. Et puis mon compagnon, lui, travaillait. Ah oui, d'accord, il travaillait à côté. Voilà, il travaillait à côté pour subvenir à nos besoins, bien sûr, hein. Et puis, 3 ans et demi après, on est descendu au centre de Julien Rue. On a acheté une ferme à usage d'habitation. On a eu des chevaux. Et puis là, je suis partie travailler à Gérardmer. Et j'étais dans le tourisme, dans les hôtels, 3-4 étoiles. Voilà, je faisais, Gérardmer. Sur Gérardmer, je faisais des saisons. Voilà. Et puis, au bout de 5 ans, et ben, C'était quand même en quelque sorte déjà un virage, parce que c'est un dépaysement, quoi, entre le fait d'être dans une ferme de montagne, élever des chèvres, et puis alors se consacrer après au tourisme. Ben oui, mais bon, il fallait bien vivre. Et puis on venait d'acheter une ferme à usage d'habitation, donc il fallait qu'il y ait de l'argent qui rentre, hein. Donc j'ai fait les saisons pendant 5 ans, et puis il y a eu une grosse envie d'avoir des enfants, bien sûr, puisque ça fait aussi partie de ma vie. Et j'ai pris un congé parental. Et quand les enfants devaient partir à l'école, eh ben, pour moi, il n'était pas pensable du tout de les laisser à une nounou. Donc c'est moi qui ai fait la nounou pendant 10 ans. Voilà, comme ça me permettait de rester à la maison et puis de suivre mes enfants, puisque j'avais vraiment pas envie de les laisser, hein, puisque je n'ai pas eu de parents, pour ainsi dire. Voilà. Une revanche sur la vie. Un petit peu, oui, je pense. Ouais. Et puis donc, ce virage de la poterie. Et puis, Et de la rosière, bien sûr. Au bout de quelques années, on a décidé de vendre Julien Rue. Oui. Et on a cherché. Et on a trouvé par hasard la rosière. C'est vraiment par hasard. Et quand on a été visité... Et parce que quand on arrive là-haut, on a l'impression d'être au milieu de nulle part. Pas trop, mais... Non, j'ai pas. Non, je trouve pas ça comme ça. Je dis ça, non, mais c'est vrai que la première fois que je suis arrivé sur ce plateau des, j'étais encore jeune, plateau des militants, puis à ce moment-là, on faisait des balades en vélo. J'avais trouvé vraiment que. Puis à l'époque, je pense que aussi à l'époque de ma jeunesse, c'était quand même, ça commençait à se désertifier. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ben non, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui reviennent. Hein. Il y a des maisons qui se. Il y a des maisons qui se vendent, et puis il y a des jeunes qui viennent. Donc je. Beaucoup de résidences secondaires. Oui, il y a beaucoup de résidences secondaires, oui. Ouais. Et puis quand on a visité, c'était en avril. On a vu le Cervant s'enneiger, et là on est vraiment, vraiment, vraiment tombé amoureux. On a dit c'est ici qu'on s'installera. Voilà, donc on a été très, très bien, très, très bien accueillis. On aperçoit aussi le ballon d'Alsace. En fait, c'est surtout Cervant. Oui, surtout Cervant, hein, ouais. Surtout Cervant. Et puis, au bout d'un an, je me suis dit qu'il faudrait quand même que les gens sachent qu'il y a une potière. Oui. Donc, j'ai demandé à l'association de l'Ami du Roseau, puisqu'il y a une belle association dans ce village, s'il était possible de mettre en place un marché tous les ans pour qu'il y ait des créateurs et des artisans d'art qui viennent exposer leur savoir. Donc, ça a été très, très, très bien accueilli. Et depuis l'année dernière, maintenant, il y a des artistes et artisans d'art qui peuvent venir exposer leur savoir le dernier week-end de septembre. Il y a une maison communale ? Il y a une mairie. Il y a une mairie avec une place qui permet des expositions. Suffisamment de place on peut être une vingtaine d'exposants. Voilà. Et c'est quand ? C'est fin septembre. C'est le dernier week-end de septembre. Voilà, tous D'accord. les ans. Voilà, c'est né depuis l'année dernière. Alors, tu nous donneras l'information. Hein, comme ça, on pourra la diffuser quand même. Pourquoi pas ? Ouais. Parce que c'est vrai que ce lieu, c'est militant, et la Rosière en particulier, ce sont des lieux à découvrir. Alors revenons voir à la poterie. Alors la poterie. Quoi dire de la poterie ? C'est quoi le Alors, l'élément déclencheur, on alors, va dire. L'élément déclencheur, pour la poterie. C'est la matière, je pense, vraiment. Quand j'ai les mains dans la terre, donc dans le jardin, je suis très très bien. Et j'avais vraiment besoin de créer. Tu cultives ton petit jardin ? Oui, j'ai beaucoup de jardins chez moi. Ah oui, d'accord. Ouais. Et puis, l'argile m'apaise. Il n'y a pas d'argile à la rosière, si ? Ah non, c'est une terre que j'achète. C'est une terre que j'achète, que je fais venir chez moi. Voilà, c'est une terre qui vient de Normandie, c'est une terre de Bec, voilà. Et puis, je tourne essentiellement de la vaisselle, voilà, donc de la vaisselle. De la vaisselle, voilà. D'accord. Donc, des bols, des pichets, des saladiers, enfin, tout ce qui est utilitaire au quotidien. Céramique, la terre de faïence. Donc, c'est une terre qui monte pas trop en température hein, dans les cuissons. Tu pourrais me décrire cette terre, parce que c'est pas de la terre rouge. C'est une terre rouge. On peut aussi trouver de la terre de faïence noire, blanche. Oui, blanche. Voilà. Comme le kaolin, par exemple. Voilà, tout à fait. Et puis, elle est très élastique. Elle est très agréable, elle est lisse. Je ne sais pas comment exprimer les sensations. Il faut venir la toucher, voilà. T'as quelquefois des élèves ? Oui, j'ai des gens qui viennent s'initier très simplement. Hein. Je ne cherche pas du tout à donner des cours théoriques parce que comme j'ai pas fait l'école, je ne connais pas tout. J'ai vraiment appris. T'es touché. Voilà, c'est vraiment le toucher et puis une fois qu'on a fait une pièce, être satisfaite de ce qu'on a appris, voilà. Voilà, on va peut-être s'accorder une pause musicale. Trop lourd pour leur pauvre guibole, le bol le plus mort que vivant. Mes enfants s'en vont à l'école, le col du gouvernement. Par décision de ministère, terre de l'enseignement. Ils prennent la couleur austère, terre des enterrements. Mes petits morts entrent de rive d'hôpitaux blafards. Après le temps, le poids des livres, livre le cours du cafard. L'instituteur ignare et terne à mes petits morts. Enseignera ceux qui concernent, cerne le respect de l'or. Ils vont multiplier les poires par le prix du lard. Combien de sang dans la baignoire noire pour faire un dollar. Mes petits morts vont à l'école, colle sans étonnement. S'incline devant l'auréole, le hall du gouvernement. Tard la peur les fera taire ou mordre selon qu'on rectifiera leur salaire, l'air à leur gré ou non. Ils vont recevoir pour algèbre le mépris d'abord. Pour devise écraser le faible caresser le fort. Mes petits morts vont à l'école, colle triste infiniment. Apprendre l'amour du pétrole, le troll du gouvernement. Dans leur jeu de mort se déchaîne, chaîne en fait d'exutoire. La gaieté des bœufs qu'on entraîne, traîne pour les abattoirs. Je frémis quand je considère d'air qu'un avortement aurait privé d'un militaire terre le gouvernement. Sur leurs jambes devenues molles, incurablement. Mes petits morts vont à l'école du gouvernement. Eh bien voilà, nous retrouvons Nicole, potière à la Rosière, et puis qui nous a décrit un petit peu ce qu'elle faisait, bien sûr, hein, mais ce qu'elle était aussi à travers son histoire. Et puis maintenant, on va parler un petit peu technique de la poterie. Alors, poterie, ça signifie quand même pas mal de matériel. Le tour, d'abord. Le tour, c'est primordial. Hein. Alors, moi, j'utilise le tour électrique, parce que c'est plus simple. Voilà. Et puis, on utilise un four. Moi, j'ai un four à gaz pour cuire mes pièces. On utilise, bien sûr, de la terre. On utilise de l'émail pour pouvoir recouvrir la terre d'émail, qu'elle soit perméable. Et puis, on utilise aussi certains pinceaux pour poser des décors sur l'émail. Et puis, on utilise aussi, je dirais, le temps pour pouvoir... Mais parmi tes créations, il y a des pièces quand même qui sont assez, assez volumineuses. Non, parce que je tourne des quantités maximum de 2,5 kg de terre, pas plus. Déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Bon, peut-être que plus tard, j'arriverai à monter à 3, 4, 5 kg, j'aimerais bien. Mais c'est très éprouvant, parce que c'est une matière qui est élastique. Mais malgré tout, quand on doit la centrer sur le tour, il faut une certaine force et c'est éprouvant. Ouais. C'est déjà pas mal de plus de 2 kilos, là, c'est-à-dire finalement avoir une masse de terre glaise, enfin de terre qui est quand même assez importante. Oui. Ce qui est sympa, c'est que quand on a cette masse, dernièrement, j'ai fait un pichet d'une contenance que je croyais de 2 litres. Malheureusement, elle n'est que d'un litre et demi. J'avais 2,5 kg sur le tour à centrer. Et quand je montais ma pièce, j'ai dit waouh, super. Et j'ai sorti cette pièce du four hier matin. J'ai mis de l'eau dedans. Et malheureusement, il n'y avait que 1,5 litre d'eau. Donc, il y a encore un sacré boulot pour atteindre les 2 litres. Alors qu'avec 2,5 kg de terre, j'aurais pu largement avoir ces 2 litres de contenant. Mais voilà, quand on n'a pas fait l'école, et ben voilà, c'est comme ça. Et puis, il faut accepter, hein, je crois. Voilà. Et puis, mais à l'origine, ce n'était pas tellement une profession féminine, enfin, un métier féminin. Je crois que c'était beaucoup les hommes hein, qui tournaient et puis. C'est quand même une certaine force physique, hein, d'autant plus que oui. Bon bah à l'époque c'était avec le tour à pied. Tour à pied. Le tour à pied, oui. Et j'ai essayé le tour à pied il y a pas longtemps, il y a un mois, et c'est vrai que c'est très physique, très. Mm. On voit par exemple, pour citer un exemple, celui du musée d'Alsace, hein, où il y a... Tu as déjà visité le... Non, j'ai fait l'éco-musée que... L'éco-musée d'Alsace. Non, j'ai fait que le musée d'Italie. Il y a effectivement un potier, hein, on trouve toutes les professions, ouais. La ferme, tout était reconstitué, et c'est intéressant de voir travailler finalement le potier. Mm. Ouais, et donc, c'est quand même un tour de poterie qui est ancien, quoi, hein, qui s'intègre dans le décor de l'écomusée. Bien sûr. Alors, les fours. Alors, ça, finalement, l'achat de matériel se fait comment? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises spécialisées qui fabriquent encore... Bien sûr. Qui fabriquent toujours, bien sûr. Oui. Ce type de matériel. Bon, on ne va pas citer des noms, on ne va pas faire de la pub. Hein. C'est l'Alsace. Non, pas spécialement. Il y a une boutique... À Souffenheim, en Alsace. Oui. Qui est réputée quand même. Qui est très réputée, c'est vrai. C'est international. Il y a une boutique pas très très très loin de chez nous où je me procure mes émaux. Voilà, j'ai trouvé mes bases. Donc je suis bien contente parce que c'est pas très loin de chez nous. Comment qu'on travaille ça? Comment qu'on émaille? Comment qu'on émaille ? Alors en fait, l'émail, parce que là, quand parce elle que arrive... Parce on a vu la première face, c'est-à-dire le ouais. tour. Alors, quand la confection, la confection vase, de la pièce. De ouais. la pièce et l'émail, en fait, quand elle arrive chez moi, elle est en poudre et je la dilue dans de l'eau. Et ce qui lui donne après un aspect de on va dire grossièrement, d'une pâte à crêpes, quoi. Oui. Et puis, on va plonger nos pièces qui sont biscuitées dans cette pâte d'émail, puisque c'est une pâte d'émail, c'est une pâte de verre. Et cette pâte de verre, elle est pompée par la terre, qui est encore poreuse. Donc, elle s'incruste. Elle s'incruste dans la terre. Voilà. Et elle devient pâte de verre quand elle monte en fusion à 1000 degrés, elle se fixe. À 800 degrés, elle nappe la terre. Et puis à 1000 degrés, elle se fixe. D'accord. Ça signifie, alors on va arriver à la cuisson, parce que c'est une étape oui. importante, oui. ça signifie une double cuisson. Oui, tout à fait, c'est pour ça que quand on parle de terre biscuitée, c'est parce qu'on cuit deux fois, bis, cuit, voilà. Est-ce que parmi tes créations, tu as des créations d'argile brute, de terre brute? Pas trop. Pas trop, non, non tu pas fais trop. Tout Non, j'émaille tout. Ben oui, puisque quand on veut se servir des bols, et ben, comme on met ben oui, bien sûr. De l'eau, du vin, et ben, il faut... Parce que ça, certaines pièces peuvent être vernies, non ? Mais tu n'en fais pas, toi. Il y a certains vernis aussi, c'est pas de l'émaillage à ce moment-là. Ah ben, je n'ai jamais entendu parler de vernis sur de la terre. Non. Ah non. Non, non, je parle... C'est peut-être qu'une impression, hein, justement, on découvre aujourd'hui non, le travail. Non, c'est l'émaillage, c'est l'émaillage proprement dit, hein, sur les terres. Hum. Voilà. Parce que par exemple, des bols qui vont conserver la couleur d'origine, comment fait-on ? Ah, alors là, on est sur un émail transparent. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on est sur... Oui, on a l'impression d'un vernis. Oui, c'est vrai, mais on est toujours dans un émail. Ouais. D'accord. Mais c'est un émail transparent qu'on dit couverte. Voilà, parce qu'on couvre, on couvre la terre. Alors cette double cuisson, donc une première cuisson pour permettre à la terre de prendre consistance en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Et puis une deuxième pour bien fixer l'émail, voilà, pour que ce ne soit plus poreux. Alors c'est four. Nous décrire un quelque peu. Alors c'est un four qui a été fabriqué par un ferronnier en Ardèche, puisque c'est un four que j'ai été chercher en Ardèche. Ah d'accord. Oui. Et il a une contenance, je crois, d'à peu près 130 litres, ce qui me permet de cuire à la cuisson biscuit une centaine de pièces, ce qui est déjà pas mal. Hein. Et puis, à la cuisson émail, je cuis au jour d'aujourd'hui à peu près une quarantaine de pièces, ce qui est peu. Parce que mes pièces, elles grandissent, elles grossissent, et du coup, mon four... commence à être petit pour mes productions. Je pense pouvoir investir bientôt dans un plus gros. Ben oui, j'aimerais vraiment bien parce que là... Et tu arrives à écouler toute ta production ? Oui, puisque je rentre tous les ans à peu près 600 kilos de terre. Et cette année, j'envisage de rentrer une tonne. Donc... voilà, je pense que on est dans le bon chemin. Ouais. Il faut avoir la patience et puis prendre le temps. Je pense. Alors, quels sont tes clients, à part bien sûr les touristes de passage ? Alors le tourisme de passage, il n'est pas énorme à La Rosière parce que c'est du tourisme vert. Il y a très peu de gens qui viennent, mais le peu qui vient, ben, il est très satisfait de mon travail et je le revois, puisque tous les ans, maintenant, depuis 3 ans, il y a quelques clients qui reviennent. Autrement, ben, je fais des expos en extérieur, Donc on me retrouve le jeudi soir tous les étés au Duto, juillet et août, de 16h à 20h, 20h30. Et puis je fais aussi des expos du côté de la Haute-Saône, à Fauconnier-la-Mer, les foires bio, à Gorcy, en Alsace. Ben, je bouge pas mal. Hein. Au Girmont ? Pas du tout. Pas du tout au Girmont ? Pas du tout, non. Le Girmont, c'est pas du tout un endroit qui me convient. Parce qu'on est beaucoup dans l'alimentation. Ah, bien sûr. Donc, les spécialités locales. Voilà, donc c'est très très bien, hein, mais j'ai vraiment pas envie de faire office de vitrine, quoi. Voilà, donc je cible quand même mes marchés. Oui, parce que... Et je fais pas mal de marchés de potiers. Ça signifie se déplacer avec pas mal de matériel. Bien sûr, donc c'est un investissement de temps, d'argent... Donc on se déplace. Pendant ce temps-là, bien sûr, tu n'es pas dans ton atelier. Je ne suis pas dans mon atelier pour fabriquer. Voilà, donc il faut vraiment cibler ces marchés. Et je m'oriente de plus en plus vers les marchés de potiers. Oui. Parce qu'on sait très bien que les gens qui viennent dans ces marchés-là, c'est parce qu'ils sont amoureux, je dirais même piqués des pièces. Et voilà, ils sont amoureux et forcément, ben, ils achètent. Et en dehors des hauteurs vosgiennes ? En dehors. Proprement dit, dans les Vosges ? Oui, non, mais des marchés, tu en fais à l'extérieur, comme ça ? Ça t'arrive d'aller changer de département de... Ben oui, en Alsace, hein, je vais un petit peu en Alsace. Bien sûr. Voilà. Et... La Haute-Saône, un petit peu, mais. Pas plus loin. Pas plus loin pour l'instant, non, parce que bon, ben après, ah oui, il faut pouvoir se loger, hein, parce que quand on part, c'est bien souvent sur un week-end, ou alors des fois sur quelques jours. Et au jour d'aujourd'hui, ben je n'en vis pas encore. Hein. C'est pas difficile. Simple. Oui, bien sûr. Mais je me donne encore 2-3 ans pour dire que je pourrais rentrer peut-être un petit salaire, hein, de 500 euros peut-être. Ce serait bien, je serais très heureuse, vraiment. Voilà. Donc oui, encore 2-3 ans pour vraiment me faire connaître, ce qui fera que je serai sur le marché depuis 7 ans. C'est toujours le dilemme, hein, production, enfin création. Oui. Création, parce que je suppose que pratiquement toutes les pièces soient uniques. Non, pas tout à fait, tu reproduis. Bah, j'essaye des fois de faire des petites séries quand même, hein, parce que les gens, ils aiment bien avoir des fois 4 bols, 6 petites tasses. Oui, c'est pas vite, voilà. La demi-douzaine d'assiettes, de bols. Ouais, de... Ouais. Donc, y a des fois des pièces uniques. Voilà, y a un mois et demi de ça, j'ai sorti des pièces du four qui étaient plus que uniques parce que j'ai eu un incident technique. J'ai le vent qui s'est engouffré dans mon four à 900 degrés. Et du coup, pendant ce quart d'heure-là, il y a le carbone qui est venu se fixer sur mes émaux, ce qui a fait que l'oxyde de cuivre s'est transformé. Il y a une espèce de petite réduction qui s'est faite. Et quand j'ai ouvert le four, eh ben, il y a eu des superbes belles couleurs. Et là, on parle vraiment de pièces uniques. Pourtant, il y a eu quelques petits bols, quelques petites tasses, mais elles étaient tous uniques. Oui, parlons couleurs. Ah, alors les couleurs, moi, c'est beaucoup le vert. Voilà, le vert, ben, l'espérance. Okay. Le vert, parce que la nature. Et je transpose beaucoup de décors qui parlent de la nature. Donc les oiseaux, les fleurs. Tu t'inspires beaucoup de la nature. Oui, je m'inspire beaucoup de la nature. Ouais. De ton environnement immédiat. J'ai besoin. J'ai vraiment besoin de ça. Ça me parle. Parce que ton inspiration, c'est assez spontané, finalement. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis en admiration devant les oiseaux, je suis en admiration devant le fenouil sauvage. Et puis, je pense aussi que j'ai rencontré une potière il y a quelques années qui maintenant a arrêté son activité. C'était au Merle du Caillou, j'ai fait une petite immersion chez elle et elle m'a transmis son savoir. Et on avait ça en commun. Voilà. On avait vous vraiment ça. Partagé, on a partagé les, les méthodes. Les méthodes et puis la création. Même oui, temps, et puis. Et puis avoir face à des sujets. Oui, et puis ce qu'elle faisait, ben, ça me parlait vraiment, quoi. Et avant qu'elle arrête son activité, ben, elle m'a transmis son savoir. Et puis aujourd'hui, ben, je la remercierai jamais assez. Et puis, ben, elle est très fière de moi, bien sûr. Voilà. C'est là qu'on touche à une activité véritablement artistique, hein, puisque. Oui. Tout à fait. Alors le pinceau. Alors le pinceau, ben, ça fait maintenant 2 mois que j'arrive tout doucement à peindre sur cette poudre d'émail qui est tellement délicate. Et ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Et là, je me suis lancé un défi, c'est de faire des coquelicots. Parce que oui. On était dans la campagne des coquelicots. Voilà, et puis je serai sur le marché du Haut du Tau, la fête des plantes, et il me semble que le thème c'est des coquelicots. Donc j'ai dit, bah, il faut que je fasse des coquelicots. Hein. Il y a pas. Nous aussi, on était séduits par les coquelicots, puisque enfin, c'est le moment de faire un petit coucou à Michel, à Daniel et à tous les autres, à Étienne, qui ont justement animé cette campagne des coquelicots contre les pesticides. Oui, oui. Et oui, c'est un petit clin d'œil aussi pour ça. Il y a un côté écolo dans ton activité. Très, très, très, très. Oui, oui, je suis très écolo depuis les années 87-88. Oui, parce qu'à l'époque, ben, j'avais rencontré les précurseurs du bio à Molo, et ça me parlait vraiment. Oui, l'Alsace avait une longueur d'avance hein, sur tout le monde. Oui. Question du bio, question de l'écologie d'ailleurs. Voilà. D'où aussi les jardins chez moi. Voilà. Tu cultives quoi alors ? Eh ben, je cultive de tout, autant des fleurs que. Pas tout ce qui peut tenir le coup en montagne quand même, à 600 mètres d'altitude. À 600 mètres, on arrive à faire plein de choses encore. Hein. C'est pas rude. Hein. Ben, y a de la tomate, y a des courgettes, y a des haricots, enfin, y a tout ce qu'on peut mettre dans nos assiettes et puis qui est bon, quoi. Beaucoup de fleurs, ouais. C'est très essentiel pour mon équilibre, je crois. Ouais. Et puis c'est beau les fleurs. Et tu fais des tisanes, des. Oui, un petit peu. Un petit peu, ouais. Quand même. Ton usage personnel, en fait, ton usage familial. Oui. Tisane de camomille, de menthe. Actuellement, c'est des menthes à l'eau, puisqu'on a pas mal de menthe, donc on se fait des bonnes menthes à l'eau. Oui, la menthe, ça pousse bien. Oui, c'est facile. Ça demande pas beaucoup d'eau. Non, pas beaucoup d'eau, et puis ça se propage très vite, donc fastoche. Oui. Voilà. Bon, ben, on va retrouver le choix de Nicole. Dans les pauses musicales. Alors, c'est quoi ce coup-ci ? Alors, c'est Arnaud, c'est les yeux de ma mère. Ah oui. Ma mère est là, quelque chose dangereuse, quelque chose d'une allumeuse et quelque chose d'une emmerdeuse. Elle a des yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps. J'aime l'odeur au cimetière. Oui, je suis. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours. Toujours une lumière. elle sait quand je suis con et faible, et quand je suis bourré comme une baleine. C'est elle qui sait que mes pieds puent. C'est elle qui sait comment je suis né. Mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours. Il y a toujours de lumière. Prenons l'antenne avec Nicole, potière, céramiste, en plus céramiste aussi. Ça... Oh non, c'est uniquement non, potière. Non, c'est potière. C'est voilà. Potière. Donc, on a eu l'occasion de découvrir, que j'avais interviewé au marché de Noël à Remiremont. Et donc, Nicole crée des céramiques, enfin des pièces, et puis bien entendu les décors, etc. Quoi, les différents décors, et on a découvert son métier, mais aussi ses inspirations, quoi, ses créations, à travers cette émission. Alors, pour terminer cette émission, parce qu'on arrive bientôt à l'heure de nous quitter, d'abord, comment aller à la Rosière? Depuis la vallée de la, depuis nos vallées, là, la vallée de la Moselle en particulier, la Moselle. Quand on part de Remiremont, il faut prendre direction rue sur Moselle. Et de rue sur Moselle, il faut prendre la direction Col du Monde-Fourche. C'est plus simple. Oui. On peut y aller aussi par le Girmont. Oui, mais je ne connais pas trop, moi, par là-bas. Tu prends toujours rue sur Moselle. Oui, je prends toujours rue. Et quand on arrive au Col du Monde-Fourche, il y a des petits panneaux orange, flashy, où il y a marqué potier. Tu as déjà... Oui, j'ai fait un petit fléchage pour que les gens puissent me trouver et facilement. Combien de kilomètres à peu près du Col du Monde-Fourche Du Col du Monde-Fourche à chez moi, il y a, je dirais, 5 minutes. Ah oui, pas davantage. Non. Et donc, on suit ces petits panneaux et on peut trouver ma salle d'expo, puisque j'ai la chance d'avoir une petite salle d'expo. On peut visiter mon atelier, je peux montrer un petit peu ce que je sais faire sur mon tour. Vous prendre rendez-vous quand même, parce que c'est souvent... Ben, la saison-ci, là, oui, je suis... La preuve, c'est que tu es venue nous rendre visite. Aussi, ouais. Et la saison fait que je vais beaucoup bouger, puisqu'il y a des expos un petit peu partout. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut me retrouver les jeudis soirs, juillet et août, au Haut du Taux. De 16h à 20h. Et puis, on pourra aussi me retrouver à la fête de la plante au Haut du Taux le 13 août. Oui. Et puis, il y aura bien d'autres dates plus tard. Mais ça, c'est plutôt du côté de chez moi. En septembre, je serai à Fauconnier-la-Mer, la grande foire bio où il y a des très, très, très, très belles choses. Donc, moi, je vous invite vraiment à venir, parce que c'est sympa. C'est quand, septembre ? C'est le premier week-end de septembre. Et puis en même temps, alors, c'est un peu plus tard, il y aura la fête des simples. Ça, je ne connais pas. Justement, fin septembre, et ça va être à Cornimont. Ah oui, ben, c'est en fait c'est le même week-end où il y aura la fête de la Rosière. On a organisé maintenant depuis l'année dernière une fête qui permet aux artistes et artisans d'art d'exposer leur savoir. Donc je vous invite à y venir. Voilà, c'est le dernier dimanche de septembre. C'est vrai que la fête des âmes, ça va être surtout des conférences, hein, puisque c'est à l'échelle nationale. Hein, les Vosges étant des gros producteurs, par exemple, d'arnica, de plantes médicinales. Donc, cette fête des simples aura lieu, donc je le disais, à Cornimont. Mais je sais plus la date exacte. J'aurai l'occasion d'en reparler. La parole est à vous, parce que j'inviterai certainement Laurent, à venir à une émission. Voilà. Oui, il me semble que c'est le même week-end que la fête de la Rosière. Ah oui. Vous n'empêchez pas de faire les deux endroits en même tout temps. À fait. Ouais. Bah, pour moi, non, parce que comme je suis l'instigatrice de cet événement, il me semble nécessaire d'être au rendez-vous à la Rosière. Bien sûr. Hein, voilà. Voilà, et puis donc, donner tes coordonnées quand même. Pourquoi pas. Alors, on peut me téléphoner au 06 13 93 81 13. Et puis, mon adresse, c'est La Rosière, 70 310, Les Ronchaux. Et puis, oui, téléphoner avant, parce que ce serait quand même... Internet, non ? Internet, ben oui, pourquoi pas. On peut, oui, donc je vais vous donner mon adresse mail. Alors c'est bah oui, comme Nicole. Comme tout le monde. Oui, je suis pas très. Mais Internet. Même si c'est des choses à découvrir sur place. Ah. Ouais. Alors c'est nicole.ceramique88@yahoo.com. Voilà. Et sur c'est un site ou bien simplement un mail ? C'est mon adresse mail, voilà. Ah oui, si quelqu'un veut me laisser un message. Donc les créations, il faut les découvrir. Il faut les découvrir. Sur les marchés ou à la maison. Ou à la maison, voilà. Parce que je ne fais pas du tout de vente par Internet. Je trouve ça terrible, terrible. Même pas de présentation. Je suis un petit peu sur Facebook. Quand même, voilà. Mon compagnon a dit si, il faut que tu t'y mettes, c'est important. Ah, ouais. Et c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui me suivent. Ouais, mais ça rend pas comme si non, véritablement non, il faut vraiment, on visitait ton atelier. Non, il faut vraiment voir, toucher. La matière, elle n'existe que quand on la voit réellement. C'est pas à travers un écran qu'on peut se rendre compte. C'est vrai. Bah oui. C'est pour ça que quand on me demande « mais tu ne veux pas vendre sur Internet ?» Mais j'ai dit non, c'est pas possible. Moi, j'ai vraiment un besoin réel de savoir à qui... Est-ce que ça t'arrive de créer un peu sur commande ? Ah bah oui, bien sûr, je travaille aussi sur commande. Ah, sur commande quand même. Ah oui, bien sûr. Quand je rencontre des gens... Forcément, parce qu'autrement, t'aurais des stocks et t'aurais... Ouais. Des difficultés pour les écouler. Bien sûr. Non, c'est possible. C'est possible de... On peut te commander, par exemple, je ne sais pas, moi, demi-douzaine de bols. Voilà, tout à fait. Avec un décor un petit peu particulier. Et puis, moi, j'aime bien parce que c'est toujours un challenge avec moi-même, hein, quelque part. Voilà, bah oui. Hein, ça permet aussi d'avancer dans les techniques, puisqu'on nous demande des fois des choses un petit peu particulières. Là, actuellement, on me demande de faire un pichet donc de litres, et puis j'y arrive. Ah, un pichet de litres. Un pichet de qui litres. Qui servira à quoi, c'est simplement pour... C'est ménager ou c'est... Ah, oui, c'est ménager, ah, oui, pour y mettre certainement un bon vin ou peut-être que juste de l'eau. Mais malheureusement, je n'arrive toujours pas à avoir cette contenance de 2 litres. C'est 2 litres. C'est 2 litres, ouais, c'est pas simple. Donc le challenge, il est là. Et c'est vraiment bien. Ce serait un pichet décoré. Oh ben là, j'ai le droit de transposer ce que je veux en décor. Donc, comme j'affectionne beaucoup la feuille du ginkgo biloba, ça sera la feuille du ginkgo. Voilà, dans des tons verts avec un petit peu d'oxyde de cuivre brut. Voilà. Ah oui, quand tu travailles aussi forcément des oxydes de métaux de, un petit peu, oui. Des métaux. Oui. Oui, avec des jus d'oxyde. Donc, il y a du Et à part le cuivre ? Il y a aussi du fer jaune, du fer rouge, du manganèse, un tout petit peu de cobalt parce que... En cobalt, c'est un peu dangereux pour la santé, non ? C'est ce qu'on dit. Enfin, pour celui qui manie cobalt, une fois que la matière est inerte... Bon, voilà... dans la bouche, on en a plein, hein, du cobalt quand on va chez le dentiste. Ah bah oui. Hein, donc, au niveau alimentaire, non, c'est pas du tout dangereux. Parce que, pour un niveau alimentaire, non, mais non. Pour ceux qui manient... Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr, malheureusement. Et ces oxydes, tu les trouves où ? Eh bah, ben toujours pareil, chez des fournisseurs, ouais. Donc j'en fais des jus, hein, c'est une poudre, et puis j'en fais des jus que je transpose sur mes pâtes d'émail. Voilà, donc la Rosière, petit village de Haute-Saône sur le plateau d'Émilettant, et Nicole, donc potière là-haut, donc à découvrir absolument. M'adresse aussi à tous ceux qui sillonnent ou qui habitent en ce moment pour l'été le massif vosgien. Il y a des tas de choses à découvrir, des tas d'artistes. Et en particulier, bien sûr, cet atelier de poterie donc à La Rosière. Tu nous rappelles ton numéro de téléphone s'il y en a qui veulent prendre contact ? Oui. Pour visiter ton atelier, parce que je crois que c'est quand même passionnant, un atelier de potier, de voir et puis de sentir, de toucher. Bien sûr. Pourquoi pas s'initier un petit peu ? Oui, tout à fait. Tu laisses les gens s'initier aussi ? Ah bah oui. J'ai eu justement les jours-ci une stagiaire qui fait l'école des beaux-arts et elle avait absolument besoin d'un maître de stage. Et on a passé quelques jours vraiment sympas ensemble. Donc, mon téléphone pour me joindre, c'est le... Tu nous le rappelles. Le 06 13 93 81 13. Voilà. Ou on peut aussi m'appeler sur le fixe. De toute façon, tu es sur l'annuaire électronique, non ? Je ne sais pas du tout. Je peux aussi donner mon fixe au cas où. Oui, bien sûr. Alors, c'est le 03 84 49 52 48. Voilà. Et on peut bien sûr te laisser un message. Voilà, tout à fait. Et puis, je me ferai un plaisir d'y répondre si ça se doit. Voilà. Et puis nous-mêmes, RGM, peut-être qu'on ira te voir. Avec plaisir. Au hasard de nos... Avec plaisir. De nos visites, voilà. Mais je crois qu'on touche au terme de cette émission. On n'a pas le temps pour notre pause musicale, donc voilà. Merci Lia, puis merci bien sûr à Nicole d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui te remercie, absolument. Michel. Et puis finalement, les mois ont passé depuis le marché de Noël, et puis on trouvait difficilement le temps d'inviter Nicole. Voilà. Mais j'y tenais absolument. Voilà. C'est très gentil, Michel, ça me fait plaisir. Et tu es très sympathique. Merci. Voilà.